Si vous aimez toujours recevoir et ne rien donner, vous n'aurez jamais d'amis authentiques. Une amitié solide ne peut fonctionner de cette façon. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Les Écritures relatent plusieurs exemples d'amitié véritable. Moïse et Aaron, Paul et Silas, ou Jonathan et David. Jésus lui-même entretenait des liens étroits avec Pierre, Jean et Jacques. Comme Charles Stanley nous le rappelle, il en est de même encore aujourd'hui. En fait, le rythme effréné de notre société rend notre besoin d'amitié sincère encore plus pressant qu'au temps de la Bible. Pendant que vous écoutez cette émission, pensez aussi aux personnes qui vous entourent. Vous édifient-elles? Vous encouragent-elles? Comme nous le verrons aujourd'hui, nos amitiés exercent une influence considérable sur notre vie en général et aussi sur notre relation avec le Seigneur. Joignez-vous à nous alors que Charles Stanley examine l'importance de bâtir de sages relations. Combien d'amis loyaux, dévoués, aimants, sincères et véritables avez-vous? Oh, j'en ai des tas! Minute! Loyaux, dévoués, véritables, sincères! La plupart des gens peuvent compter plus de doigts dans une main que le nombre de ce genre d'amis. Je ne parle pas de simples connaissances ou d'amis de circonstance. On peut connaître beaucoup de gens. Les connaissances vont et viennent assez rapidement. Mais les amis authentiques, sincères, loyaux, dévoués et chaleureux sont plus rares et difficiles à trouver. Ils ne tombent pas du ciel et bâtir ce genre d'amitié prend du temps. Le thème que je veux aborder aujourd'hui est celui des relations. Il existe toutes sortes de relations et toutes sortes d'amitiés, mais comment pouvons-nous bâtir de sages amitiés, de celles qui peuvent faire une différence aussi bien dans votre vie que dans la vie de la personne qui devient votre amie? J'aimerais, pour le savoir, que nous étudions seulement un verset dans le livre, des Proverbes, au chapitre 18. Le livre des Proverbes contient beaucoup de versets qui concernent les amitiés, mais je veux m'attarder particulièrement sur le 24e verset. Auparavant, laissez-moi vous rappeler que lorsque la Bible parle d'un homme, cela s'applique également à une femme. On pourrait à ce moment parler d'être humain ou d'humanité, et ainsi de suite. Lisons le verset 24. « Celui ou celle qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Vous vous demandez peut-être comment une telle chose est possible. Pensez-vous que plus vous avez d'amis, mieux vous vous trouverez? Écoutez alors ce qu'il dit. Toujours le verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Il existe un genre d'ami qui est plus attaché qu'un frère de sang. Que veut dire celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur? Dans le contexte du verset, l'expression « pour son malheur » signifie qu'une personne est fortement ébranlée au point de tomber en morceaux, si l'on peut dire. L'auteur explique que cette personne a beaucoup d'amis et que son cercle d'amis est large, mais peu profond. Et quand les choses tournent mal, ses amis disparaissent. Elle ne peut plus se fier à personne. Elle ne peut plus s'appuyer sur quelqu'un de sincère, d'authentique et de stable. Quand la situation tourne au vinaigre, les liens d'amitié tombent en lambeaux et cette personne tombe en morceaux. Avez-vous un ami qui restera à vos côtés, beau temps, mauvais temps? Je rends grâce à Dieu de pouvoir compter sur une poignée d'amis qui me soutiendra en n'importe quelle circonstance. Sommes-nous toujours d'accord? Non. Est-ce que nous nous aimons toujours? Oui. Sont-ils des amis loyaux, dévoués, fidèles, sincères et véritables? Oui. Et à travers les épreuves et les peines de ma vie, j'ai toujours trouvé ces personnes à mes côtés. Elles m'ont apporté leur soutien en toutes circonstances. Je crois réellement que la plupart des gens ne pourraient pas trouver trois amis aussi précieux de toute leur vie. C'est le sujet que je veux aborder dans ce message. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir à cette idée un moment. Que nous ayons des amis sincères et proches fait certainement partie du plan de Dieu pour la vie de chacun de nous. Même si Dieu pouvait nous rendre tous autonomes et autosuffisants à travers lui, il ne désire pas que nous vivions comme des loups solitaires. Il veut nous voir vivre et entretenir des liens d'amitié significatifs. Demandez aux psychologues et aux psychiatres qui écoutent semaine après semaine, mois après mois et année après année les peines, les fardeaux et les problèmes d'une multitude de gens. Ils vous diront qu'un des fléaux majeurs de la société d'aujourd'hui est la solitude. Les gens se sentent aliénés. Ils manquent d'affection. Ils n'ont personne pour les soutenir, n'ont pas de réseau social, n'entendent jamais d'encouragement et ne se sentent jamais acceptés. Ils sont très seuls et se sentent exclus. En conséquence, les gens se cloisonnent souvent à l'intérieur de murs qu'ils se construisent eux-mêmes. Et quand vous bâtissez des murs autour de vous pour tenir les autres à distance, rappelez-vous que vous vous enfermez dans un très petit monde. Il est très important de développer et d'établir de sages amitiés. Attention, il ne s'agit pas de construire n'importe quelle sorte d'amitié, mais de sages amitiés. Regardons maintenant, si vous le voulez, le 15e chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. Il contient un avertissement très sérieux. Et tous les parents seraient bien avisés de le réciter à voix haute à leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le lire eux-mêmes. Il vous sera peut-être nécessaire de le lire une fois, 10 fois, 100 fois, mais c'est un principe et un avertissement venant de Dieu. Il nous le donne dans le 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Ce n'est qu'un petit verset, le 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce verset est tellement important, je dois le répéter. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne nous laissons pas tromper par une personne à la moralité douteuse et dont le comportement et la conduite sont répréhensibles. Dans quel sens devons-nous interpréter « tromper » ? Certaines personnes peuvent se laisser tromper et dire « Oh, je sais qu'il ou elle n'est pas croyant ou croyante, mais c'est une bonne personne quand même. » Ou « Je sais que mon petit ami n'est pas chrétien, il ne va pas à l'église, il n'est pas baptisé. » Je dois vous dire, jeune fille ou jeune femme, que lorsque vous dites « mais », vous venez d'admettre que quelque chose ne va pas. Vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence, mais quelque chose vous dit qu'il y a quelque chose de malsain dans cette relation. Ne vous y trompez pas. Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous pouvez vous associer à quelqu'un ou que vous pouvez bâtir une relation avec quelqu'un de corrompu sans que cela ne vous affecte. Car, comme je vais vous le démontrer plus tard, nos amitiés exercent une influence considérable sur notre vie. C'est pourquoi une personne qui grandit dans une famille dont le père et la mère sont sanctifiés et dont les règles de vie sont inspirées par Dieu grandira dans le Seigneur la plupart du temps. Or, je ne dis pas que tel est toujours le cas. Il peut y avoir des exceptions. Cependant, plus souvent qu'autrement, ses parents élèveront des enfants qui possèdent une bonne image d'eux-mêmes, qui seront en mesure de nouer et de développer de bonnes relations et de bâtir des amitiés sanctifiées avec d'autres personnes. Il existe toutefois des exceptions et les situations peuvent varier. Un enfant plus difficile devra apprendre à se tourner vers lui-même et à examiner son cœur, à trouver ce qui manque, pourquoi il se sent étranger, pourquoi il se sent rejeté et pourquoi il se sent mal aimé. Éventuellement, il pourra se prendre en main et il sera alors en mesure, lui aussi, de bâtir de sages amitiés. Toutefois, l'apôtre Paul nous prévient sans ambiguïté. Il nous avertit de ne pas nous laisser tromper, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est très clair là-dessus. Il n'a pas dit qu'elle pourrait corrompre, ni qu'elle pouvait possiblement le faire. Il n'a pas dit qu'elle l'avait fait. Il a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela signifie que vous ne pouvez pas entretenir des liens d'amitié intime avec une personne corrompue sans vous occasionner des problèmes. Ce genre de relation ne dure pas et peut causer beaucoup de douleur, de peine et de déception. Nous devons donc faire preuve de discernement et de sagesse dans le choix de nos amis. Et l'application de l'avertissement de Paul consiste à bien considérer qui nous choisissons comme amis, pourquoi nous le choisissons comme amis, et quel genre d'association ou quel genre d'amitié nous voulons entretenir avec cette personne. Car nos amis exercent une influence considérable sur notre vie. Réfléchissons un moment sur le genre d'influence exercée par nos relations. L'erreur fréquente que nous faisons est de penser que, même si l'autre ne pense pas comme nous, cela ne nous affectera pas. Or, c'est une erreur. Parce qu'à mesure que deux personnes se rapprochent, il arrive souvent que la personne corrompue entraîne l'autre avec elle, même si elle voulait exercer une influence positive sur son ami. Je pense que cette question est particulièrement sérieuse dans le cas du mariage. Je ne dirai jamais à une personne ce qu'elle doit faire à propos de son mariage. Vous devriez faire ceci. Vous ne devriez pas faire cela. Je me forme une opinion et je possède des bases bibliques solides pour appuyer mon opinion. Or, si aujourd'hui vous dites à une femme, « Vous ne devriez pas épouser cet homme », elle va se précipiter pour le faire juste pour prouver qu'elle le peut. C'est fou ce que les gens sont prêts à faire. Et puisque Paul nous met en garde contre les mauvaises compagnies, nous devons évidemment être en mesure d'identifier ce qui constitue une mauvaise compagnie. Et nous pouvons répondre qu'il s'agit de tout intervenant qui pourrait nous attirer loin du Dieu vivant que nous aimons, que nous avons décidé de servir et à qui nous désirons tous plaire. Nous sommes maintenant prêts à parler de l'influence que les amitiés peuvent exercer sur notre vie. Premièrement, les amitiés peuvent nous ravir. Et pour cette raison, nous devrions tous avoir des amitiés plaisantes, c'est-à-dire avoir des amis avec lesquels nous aimons nous retrouver. Nous aimons être avec eux, faire les mêmes activités, aller aux mêmes endroits, car nous avons les mêmes intérêts dans la vie. Nous jouissons de leur compagnie et ce sentiment est réciproque. Et nous nous amusons ensemble. Nous devrions certainement éprouver un sentiment d'appartenance, car il se trouve sûrement des intérêts communs qui nous ont rassemblés. Deuxièmement, nos amitiés nous aident à développer notre personnalité. Si nous nouons une relation positive avec quelqu'un, nous apprenons comment nous adapter. Comment nous entendre avec les autres et comment donner et recevoir. Nous apprenons à communiquer à un niveau plus personnel et plus intime, ce qui diffère de nombreuses relations devenues très superficielles. Comment allez-vous? Pas mal, et vous? Heureux de vous voir. Il n'y a en effet rien de bien profond là-dedans. Et c'est pourquoi le malheur s'abat sur une personne ayant de nombreux amis de ce genre dans les temps de grandes difficultés, parce que nous ne pouvons pas vraiment ouvrir notre cœur à ce moment. Premièrement, donc, les amitiés solides exercent une influence sur nous, car elles nous apportent du plaisir. Et deuxièmement, parfois, elles nous développent. Troisièmement, les amitiés nous motivent. Une sage amitié vous motivera. Elle vous motivera à faire de votre mieux. Quand on connaît une amitié franche, sincère et intime, on est encouragé. Quand un ami vous dit « Je veux que tu saches que je prierai pour toi aujourd'hui. Je veux que tu saches que je penserai à toi aujourd'hui, pendant que tu assisteras à cette réunion, à cette rencontre ou à cette entrevue délicate. Je sais que cette situation est difficile et que la journée va être longue. » Je veux que tu saches que je serai avec toi en esprit et que mes prières t'accompagneront. Je sais que tu vas donner tout ce que tu as et je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Ce genre de témoignage d'affection est très motivant. Et c'est ce qu'une amitié peut faire. Elle nous pousse en avant. Mais parfois, nos amis nous déçoivent. Il nous est certainement arrivé de nouer de belles amitiés, du moins le pensions-nous. Nous avons cru les personnes. Elles ont cru en nous. Elles se sont même parfois tenues de notre côté, et tout à coup, pour une quelconque raison, elles se sont détournées et ont pris une autre direction. Parfois, elles ont pris la décision de s'éloigner de Dieu. En d'autres occasions, elles ont disparu de notre vie sans donner de raison. Ce genre de situation est particulièrement pénible à un moment de notre vie où nous aurions besoin de leur loyauté, de leur fidélité et de leur amour. Il arrive même parfois à un ancien ami de se tourner contre nous sans qu'on puisse savoir au juste pourquoi. Je me rappelle une certaine personne, elle était une amie très chère à mes yeux. J'avais beaucoup d'affection pour elle et j'aurais tout fait au monde pour elle. Et soudainement, sans crier gare, elle s'est détournée de moi. À ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je n'ai jamais reçu d'explication. Elle a tout simplement disparu. J'ai beaucoup souffert, car je l'aimais vraiment. Je voulais la voir grandir et j'essayais de l'encourager dans sa relation avec Dieu. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les gens agissent comme ils le font, et parfois nos amitiés nous déçoivent. Ce genre de situation renferme un danger réel. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons laisser l'amertume nous ronger. C'est pourquoi il faut se méfier de ce genre de pensée. Si c'est ça l'amitié, on ne m'y reprendra plus. Je ne ferai plus confiance à personne d'autre. Plusieurs ont fait face à ce genre d'épreuve où une relation brisée leur a aussi brisé le cœur. Et maintenant, ils se méfient de tout le monde. Ils se disent, « Si il ou elle pouvait me trahir comme ça, je ne me risquerais plus à ouvrir mon cœur à quiconque. » Et ces mêmes gens continuent de cette manière, apparemment inconscients du tourbillon, de la douloureuse rancœur qui les avale progressivement. Les gens peuvent nous décevoir, c'est un fait. Les choses peuvent être encore pires. Certaines amitiés peuvent occasionner beaucoup de détresse et de désarroi, surtout si nous traversons une période difficile ou semée d'épreuves et que nous sentons que notre ami ne nous aime pas, qu'il ne nous accepte pas et qu'il ne nous encourage pas comme nous en aurions besoin. Cela peut vraiment devenir pénible. Ou alors, il se peut que nous voyons cette personne transgresser la parole de Dieu, s'éloigner de Dieu. Nous faisons alors de notre mieux pour l'aider et l'encourager. Mais peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait, cela ne donne aucun résultat. Il est très affligeant de voir un être aimé s'engager à toute vitesse sur la voie du désastre, en sachant que cela va lui faire très mal. Et parce qu'il a un grand prix à nos yeux, nous partageons sa peine quand il frappe un mur. Certaines amitiés peuvent nous entraîner dans leur sillage. Nous pouvons nous laisser entraîner tout particulièrement par une personne aux convictions fortes. Et lorsqu'elle se met à dériver, elle nous soumet à une pression pour que nous la suivions. Elle essaie de nous convaincre et de nous persuader. Je pourrais nommer plusieurs personnes qui sont restées longtemps fidèles à Dieu, mais elles ont noué une relation de ce genre et, petit à petit, sur une assez longue période de temps, leurs convictions se sont effritées. Leur désir de plaire à Dieu s'est refroidi. Et elles se sont retrouvées dans ce genre de situation à cause de leur amitié et de la puissance de ce lien. Elles se sont laissées influencer par leur loyauté, leur affection et leur besoin d'acceptation. Elles ne pouvaient plus se passer de cette relation. Elles se sont ainsi laissées entraîner. Elles ont perdu leur repère spirituel et finalement, l'association ou l'amitié a perdu son intensité. Elle s'est refroidie pour finalement se rompre. Nous assistons dans ce genre de situation à la destruction d'une personne et parfois même de deux. Cela m'amène à parler d'une sorte de relation plus négative. Je veux parler d'une association, d'une relation, d'une compagnie ou d'une amitié qui manque totalement de sagesse et qui peut absolument détruire la vie d'une personne. Cette personne peut devenir tellement peinée, déçue et déprimée à cause de cette relation désastreuse qu'elle se détruira elle-même ou prendra des décisions qui détruiront complètement sa vie présente et future parce qu'elle ne pouvait pas faire face à la situation. Les amitiés sont donc excessivement importantes. Un ami intime, affectueux, loyal et dévoué constitue un atout majeur devant les vicissitudes de la vie. Les amitiés peuvent aussi exercer une influence considérable sur notre vie. Nous allons examiner chacune d'entre elles. Les amitiés ne cachent pas que des périls, des récifs et des dangers. Elles peuvent être extrêmement enrichissantes. Comment ces amitiés peuvent-elles vous enrichir? Il existe plusieurs façons. Premièrement, lorsque vous entretenez une bonne amitié avec une personne, vous vous sentez accepté par elle. Nous voulons tous nous sentir acceptés. Nous ressentons tous ce besoin d'être acceptés et aimés. L'acceptation constitue donc une partie des richesses d'une bonne amitié. Deuxièmement, il y a cette merveilleuse sensation d'être aimé. Si vous entretenez une bonne relation, une bonne association et une bonne amitié avec quelqu'un, vous vous sentez aimé par cette personne. Maintenant, il existe plusieurs genres d'amour. Cela peut être l'amour d'un homme pour un autre d'une bonne façon, comme une amitié franche, virile et sanctifiée. Vous êtes comme les deux doigts de la main. Vous avez tellement de choses en commun. Vous savez comment vous parler l'un à l'autre et comment entrer en relation l'un avec l'autre. Vous sentez l'amour de l'autre et c'est toujours extrêmement encourageant. Ensuite, une des richesses contenues dans l'édification de sage amitié est le changement. En développant une relation avec quelqu'un d'autre, je parle d'une amitié sincère, vous changez. Il vous pousse en avant, vous le poussez en avant, et alors un changement se produit de part et d'autre, un changement positif. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais heureusement, l'inverse est également vrai. Les bonnes compagnies affermissent les bonnes mœurs. La fibre intérieure s'en trouve fortifiée. Vos convictions prennent de l'assurance. Votre amour et votre dévotion pour Jésus et pour les autres prennent toute la place, ainsi que la volonté de Dieu pour votre vie. Les connaissances flottent à la surface. Elles sont superficielles. Mais l'intimité plonge l'amitié à son niveau le plus profond. Ce genre d'amitié est très rare. Une amitié intime est une relation où vous pouvez dire ce que vous avez à dire à l'autre personne sans aucune crainte d'être jugé, condamné ou critiqué. Vous ne pourrez surprendre un ami sincère de la sorte. « Je ne t'aurais jamais cru capable d'une telle chose. » Un ami authentique ne dit ou n'entend jamais ce genre de choses. Il ne vous demandera jamais pourquoi vous avez commis une telle action. Il sait déjà que vous êtes imparfait. Vous ne pouvez donc le décevoir. Vous ne pouvez le blesser. Il n'aura jamais honte de vous et il ne vous laissera pas tomber. Il n'aura jamais l'air surpris par ce que vous faites. C'est le genre d'ami qui vous dira, « Tu sais, nous avons tous nos hauts et nos bas dans la vie et je sais où tu en es. Nous allons prier ensemble là-dessus. Je vais t'accompagner pendant ce bout de chemin. Je serai avec toi. Nous allons passer à travers ensemble et nous en sortirons ensemble. » Tu en ressortiras plus fort et plus mûr. C'est le genre de richesse accessible grâce à une amitié sincère. Et c'est alors que vous pouvez porter du fruit. Quand vous développez des amitiés réelles, sanctifiées et sages, vous devenez plus productif et plus fécond. Pourquoi? Parce que vous devenez très motivé, stimulé, passionné et plein d'énergie par ce que vous vivez. Vous développez une passion, un bonheur et un contentement par rapport à une situation, et cela dépasse l'entendement. Vous savez que vous progressez. Tout en vous change. Ensuite, vous éprouvez ce sentiment de sécurité. C'est une autre richesse d'une amitié véritable, authentique, chaleureuse, loyale et dévouée. Car nous traversons tous des temps difficiles à un moment ou à un autre de notre vie. Et alors, nous avons besoin d'une chose par-dessus tout. Quand se manifestera la tempête, vous aurez besoin d'amis qui seront avec vous, qui vous entoureront, qui vous protégeront et prendront votre parti lorsque les critiques et tout ce genre de choses pleuvront. Vous avez besoin de ce genre d'amis qui savent que vous n'êtes pas parfait, mais qui continuent de vous exprimer leur fidélité, leur support et leur amour. Il est très sécurisant d'entretenir une amitié profonde avec une ou plusieurs personnes quand vous savez que vous pouvez compter sur elles en n'importe quelle circonstance. Ensuite, nous trouvons la croissance spirituelle. Quand nous développons de sages amitiés, voici ce qui se produit. Nous parlons de nos intérêts mutuels. Et quels sont les intérêts mutuels entre deux chrétiens consacrés? Ce sont les choses de Dieu. Nous discutons de Dieu. Nous disons à l'autre comment il agit dans notre vie et comment il répond à nos prières. Nous lui parlerons des transformations que Dieu fait dans notre vie en la sablant, en la criblant, en l'émondant et en la sculptant. Nous expliquerons comment il planifie notre vie et comment il fait de nous des chrétiens plus engagés malgré les épreuves et les tribulations. Nous dirons comment il utilise les circonstances pour faire de nous les personnes sanctifiées qu'il veut que nous soyons. En vivant une telle amitié, nous pouvons grandir spirituellement car, en développant cette amitié, nous pouvons ouvrir notre cœur. Nous pouvons partager les vraies choses qui nous réjouissent ou qui nous préoccupent. Nous pouvons confesser que nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait dans notre vie et pourquoi il le fait. Et souvent, notre ami nous aidera et nous donnera un point de vue pénétrant sur ce qui se passe dans notre vie pour nous permettre de comprendre ce que nous ressentons et pourquoi nous le ressentons. Il nous aidera à comprendre ce qui se passe dans notre vie et dans notre cœur. De nombreuses richesses sont accessibles à ceux qui sont prêts à s'impliquer dans de sages relations et de sages amitiés. Je le répète une autre fois. Un des plus grands atouts que nous possédons dans notre vie est ce genre d'ami dévoué, loyal, affectueux et sanctifié. Dieu place de telles personnes sur notre chemin pour que nous cultivions ces amitiés et que nous puissions grandir ensemble en lui. Tendons notre main, et Dieu nous enverra des amis sages et vraiment sincères. Avez-vous soif du genre d'amitié dont Charles Stanley nous a parlé aujourd'hui? Mais peut-être craignez-vous d'être blessé une autre fois? Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le chemin de l'amitié comporte sa part de dangers et de pièges, mais nous avons auprès de nous un merveilleux conseiller pour nous guider dans nos choix. Suivez son conseil et demandez au Seigneur de vous donner la force de tendre la main une autre fois. Comme le dit l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Vous avez faim? Vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi. Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.